Ya tus ojos me piden lo que sorrirle. Vouloir marier la lune, se fabriquer des ailes de plumes. Un cap aux eaux, là où les fortunes sur les îles. Un cap aux eaux, où les jours sont tranquilles. Yeah.